bonjour de l'automne, après avoir chanté le dieu du vin. Chacun sur ses contrôles, la serviette à la main, va cueillir les fruits qu'il nous donne. Déjà, de tout côté, on foule le raisin, que j'aime avoir d'une source abondante. Sortir cette liqueur chagrande, qui des plus malheureux adoucit.